Le troquet de Jean-Michel. Oh non. Eh oui. Allez, il faut y aller, hein, Maëva, quand il faut l'affronter. Hein. Ouais. Garde-le juste à distance de toi parce qu'il est un peu tactile déjà. Il faut faire gaffe. Bon, enfin, ça va aller, oui. Ah, vous avez mis votre casque. Non, bien sûr, moi je me suis installé. Hein. Je suis pas habitué, d'habitude vous faites toujours l'émission sans casque. Là, vous entendez ce qui se passe. Je vous entends fort d'ailleurs. Comment qu'on règle ici? Il y a un petit bouton rotatif normalement. Merci. Non, ça voilà. C'est plus fort. Là, je l'entends jusqu'ici. Comment? Bon, c'est l'heure de prendre de vos nouvelles. Ah, vous parlez allemand? Vous parlez comme Kix? Oui, c'est ça, je l'ai dit. C'est pas mal. Vous avez le même orthophoniste, hein, c'est ouais. Bien, c'est cool. Comment ça va à vous? Eh ben, moi, je vais très bien. Merci bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui sur cette longue journée? Il est 21h30, on a envie de savoir. Ah ben, comme ça le solde, ma Monique s'est absentée pour passer une journée shopping avec ses amis. Oh! Ah, ah ouais? Ah, elle fait encore du shopping. Allez, ça va, oui. Non, mais ça va. Elle est encore jeune, hein, ma Monique? Oui. Moi, on le refait. Bah, enfin. C'est pas parce que tu l'as mis dans la trappe la semaine passée. Enfin, parce que je sais plus ce que tu as. Dois-je vous rappeler quand même que vous aviez acheté une bâche et que vous avez fait un trou dedans et vous lui avez offert ça et vous avez dit ça fait un poncho? Ah, bah, t'es bien contente. Bon, ça. Vous savez parler aux femmes. J'en l'ouvre. Maëva, t'aurais aimé qu'on te fasse ça? Non. Ah, ça? Hein? Bon. Avant, ne savait pas ce que c'est la mode. La mode et l'amour. Moi, j'ai vu les habits de Jean-Paul Gaultier, je m'entends vous dire que c'est pas loin. Ah, vous avez le bras long. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Ça veut dire que vous étiez tout seul à la maison, maintenant que j'y pense. Oui, c'est ça. Sans Monique, vous avez dû vous débrouiller tout seul, quoi. Une lourde responsabilité de gérer tout ça tout seul, c'est quelque chose, quand même. Oui, mais avant de partir, elle m'a quand même laissé un papier avec des tâches ménagères à réaliser. Oui, et un mode d'emploi à respecter avant son retour, bien sûr. Oui, bah oui, un petit mode d'emploi, ça, je suis sûr. Elle vous a laissé un petit mot. Alors, elle a écrit quoi sur son papier, notre. Ah, mais je vais vous le lire, moi, aujourd'hui, je vais vous le lire. Ah, oui. Monique. Oh non, pas une chanson. Non. Ça y est, il s'est levé. Loin de toi, je te demande que le linge en tu le pendes et qu'il soit repassé. D'accord. Bon, merci beaucoup, Jean-Michel. Bon, faut que j'apprenne encore un petit peu à chanter, parce que j'ai pas trop l'habitude, mais... Oui, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit problème de justesse dans le ton. Non, mais je vais m'améliorer aussi. Hein. Et bravo aux garçons qui ont fait les cœurs, d'ailleurs. Merci, bah oui, ils sont sympas. Ils font ça bien. Oh, ils ont eu du mal, surtout. Bon. Ah, le texte n'est pas fini. Pardon, hein. Elle rigole pas, votre femme. Elle vous laisse des consignes, comme ça, et tout, et finalement, vous avez réussi à vous en sortir. C'est-à-dire que je n'ai rien compris. Oh là là, quelle horreur, j'imagine. Non mais attendez, vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait alors? Bah, elle m'a dit de mettre la vaisselle dans la machine. Mais elle n'a pas précisé laquelle. Donc, bah, regardez, attendez. Hein. Bah, j'étais trop fier d'avoir filmé ça, donc... Ah, vous avez la vidéo? Oui. Non mais oh là là, non mais... Oh, c'est beau, hein? C'est une blague. Non mais attendez... Attends, mais regarde, Jean-Michel, c'est fou. Attends, bah, va, tiens, je te passe le téléphone. C'est bien, vous avez vu comment je vais comme ça? Mais t'as vu? Mais donc, il est tard. Je fais tout ça tout seul. Faut qu'on explique aux gens à la radio qui n'ont pas l'image de cette vidéo que vous avez filmée. Déjà, c'est bien, vous avez filmé. Jean-Michel, ça devient jeune, ça. La machine qui lave pour la vaisselle, c'est le lave-vaisselle. Oui. Tout le monde le sait. La machine... à laver, que vous avez utilisé, elle lave le linge. Donc ça veut dire que là, vous avez mis dans le tambour toute votre vaisselle, les couverts, tout ça. Vous vous rendez compte, ça a fait des dégâts, il n'y avait rien de cassé. Bah, juste tout le service de notre mariage hein, que j'avais sorti pour la fête. Non. Non mais en fait c'est durant le rinçage, les couverts brisent, les assiettes et tout ça, enfin tout se casse quoi, c'est un spectacle, hein. C'est beau à voir, hein, vraiment. Hein. Ouais, ils ont bien fait de me mettre dans un hublot, hein. De vous mettre dans un hublot? Oui, je me suis mis dans un hublot comme ça, je regardais le truc qui tournait, c'était beau. Jean-Michel, c'est-à-dire vous avez cassé toutes les assiettes, les tasses, la cruche avec les finitions plaquées or et tout. Oh bah merde alors! C'était du véritable or? Oh! Mais en vrai dire, je n'en savais rien! Oh non! Non mais vraiment! Oh non, non, non. J'ai pas envie d'avouer à ma Monique que c'était de la vaisselle que j'ai volée dans un container aux encombrants! Non, tu serais m'hébergé durant quelques semaines, Jadoul! Oh! Vous me faites vraiment de la peine. Merci. Vous voulez bien ou pas? Bah, on va voir. Parce que là, je sens que je ne pourrais pas rentrer chez moi. Hein. Moi, chez moi, j'ai pas beaucoup de place parce que j'héberge déjà quelqu'un. Mais sinon, Maëva, t'as peut-être un peu de place chez toi? Ah non, pas du tout. Non. Mais je peux dormir sur le tabouret. Hein. Non, mais. Près du frigo. On va demander si vous pouvez dormir peut-être dans le studio ce soir. Ouais, bon, c'est parfait. Parce que moi, mon nez, à mon avis, je suis mort. Hein. C'était de l'or. Ouais, c'était. Ouais. Aussi, un auditeur veut héberger Jean-Michel. Oh, ça, c'est gentil. Si vous avez de quoi boire. Si non, non, bah, surtout dormir. C'est surtout ça le plus important à toi. Oui, mais attention, parce que quand je bois, je m'endors. Ah.